le drilon et ses feuilles, les mouelles et les pétronelles. À la mairie aux journaux, à tire la riguette. À la mairie aux journaux, à tire la rigole. À Libeil, en mairiège, du pain soupe, du fromage. Peu des sous-plaçons, c'est beau, à tire la riguette. Peu des sous-plaçons, c'est beau, à tire la rigole. Gambietto, le notaire, Berluetto, monsieur le maire. Peuculetto, manchot, à tire la riguette. Peuculetto, manchot, à tire la rigole. S.E.R. Mériège, on ne voyait au quétolège. Doué un peu de bourricot, à tire la riguette. Doué un peu de bourricot, à tire la rigole. On y mégeait comme des loups, on y beuvait comme des trous. Bandiment les rejingots, à tire la riguette. Bandiment les rejingots, à tire la rigole. Y'en est que feu sous mon cochon, des eaux pleins comme de l'énerçon. Bamelettement des chevaux, à tire la riguette. Bamelettement des chevaux, à tire la rigole. Chibinquet, en cette journée, je maniais vos encoulés. Et t'es vu tant d'animaux, à tire la riguette. Et t'es vu tant d'animaux, à tire la rigole.